La plus grande idée du projet, c'était de jouer avec son déchet, ou de rendre le fait de jeter son déchet ludique. C'était la grande idée. Donc le projet de base, c'était un flipper. Plus ou moins un flipper, on lançait son déchet et ça tombait dans des trous. Donc ça, c'était l'idée de début. Après, on a essayé de chercher le lieu où implanter un tel projet. On a cherché sur plusieurs lieux, gare, Les écoles, centre centre commercial, commercial, école, université de Nantes. ouais, bah les écoles du coup. Et puis, je crois que c'était tout. Donc, on a fait un peu visiter les lieux. On a finalement choisi la gare pour plusieurs raisons. Je sais même plus pourquoi. Parce que les gens, enfin, c'était les gens qui étaient en passage et il y avait souvent des gens différents qui pouvaient passer aussi. C'est pour tous les publics du coup, enfin, elle s'adresse à tout le monde. Oui, tous Ou ceux des qui gens passent dans la qui, gare, oui. ouais, tous ceux qui passent dans la gare. Mais du coup, il faut que les gens, ils aient un peu de temps en fait pour pas, ils aient un peu de temps à passer dessus aussi, c'est Justement, ça? c'est l'idée assez principale du projet, c'est d'avoir quelque chose qui soit rapide. Donc l'idée, c'est d'utiliser donc leur énergie, donc de compresser, peut-être avec une poignée ou une pédale, de réussir à compresser et après qu'ils jouent directement avec un lanceur et ça part, c'est très rapide en fait. C'est quelque chose qui se passe en quelques secondes et qui permet de gagner de la place, qui soit ludique en même temps et Après, ça qui dépend atteint de pas le chaque but. personne qui va jouer. Ça peut durer 3 secondes et ça peut durer aussi 1, 2, 3 C'est ça. minutes. On s'est fixé un temps assez court, en 5 secondes, ça peut être. C'est fait. Pour pas qu'il y ait la queue déjà, et puis aussi parce qu'à la gare, enfin, les gens, certains sont pressés, mais on a regardé un peu l'aspect réglementaire, et plus ça va, plus on va arriver tôt à la gare. Enfin, savoir un 5 minutes, on est assez large et on a le temps de jouer. C'était ça l'idée. Et du coup, qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, du coup, sur ce projet-là, maintenant? Vous en êtes où? Là, on en est donc à la phase de. Donc, on a analysé toutes les fonctions. On est arrivé sur un projet qui est quand même plus ou moins abouti, puisqu'on a une forme, comment dire, une fonction. Déjà, tout est déjà assez bien établi. Il nous reste à faire tout ce qui est vraiment design, comment interpeller la personne, comment réussir à bien s'inscrire dans la gare, donc justement avec les matériaux, avec les réglementations. Et puis. Je dirais que nous sommes dans une étape entre les designs et les fonctionnements. C'est un C'est tout petit ça. peu plus spécifique entre les deux. Et normalement, dans 2 semaines, on devra avoir fini toute cette étape de design. Et là, on va plus passer à l'étape, l'approche technique et conception de la poubelle, mise en fabrication.